Leçon 3, exercice 46. Remontez aux causes. Formulez la question. Exemple. Le point de départ de mon engagement contre la faim dans le monde, c'est un voyage aux Indes. Quel est le point de départ de ton engagement? À vous. Le point de départ de ma vocation de comédien, c'est une représentation de Don Juan à la Comédie Française. Quel est le point de départ de ta vocation de comédien? Le point de départ de nos découvertes, ce sont les observations que nous avons faites sur les malades. Quel est le point de départ de vos découvertes? Le point de départ du succès de ce parfum, c'est son audace pour l'époque. Quel est le point de départ du succès de ce parfum? Le point de départ de ma démarche, ce sont les encouragements de mes amis. Quel est le point de départ de votre démarche? Le point de départ de notre conquête du marché, c'est l'analyse de la concurrence. Quel est le point de départ de votre conquête du marché ?